Vous écoutez toujours Futur Simple et donc on va poursuivre sur notre lancée de la semaine dernière. Nous avions accueilli au micro deux membres de l'équipe de recherche dirigée par Guy Mercier et Jean-François Blais de l'INRS. Cette équipe de recherche se spécialise dans les technologies environnementales. La semaine dernière, c'était Emmanuel Séqui et Louis-César Pasquier de l'INRS qui nous avaient expliqué comment utiliser les résidus d'amiante pour réduire les émissions de CO2 d'une cimenterie. Et bien aujourd'hui, j'accueille un autre étudiant de cette même équipe. Il s'agit de Guillaume Nielsen. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Guillaume, vous allez nous expliquer un autre procédé, mais cette fois-ci, un procédé qui s'appelle organométhoque. C'est un nom un petit peu étrange. Ça sert à quoi? À décontaminer quoi? Alors, avec le procédé organométhoque, on parle bien de décontamination de sol. Ça, c'est très important. On parle vraiment de sol. Des sols qui sont contaminés en hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qu'on appelle dans le jargon les HAP, et en métaux lourds. C'est les deux contaminants cibles de la technologie organométhox. Et on les trouve, pourquoi est-ce qu'on les trouve souvent contaminants dans le sol? Oui, relativement souvent. Il y a quand même quelques milliers de sites contaminés, ne serait-ce qu'au Québec. Les HAP résultent d'une mauvaise combustion et sont relâchés en général dans les industries comme celle du charbon, celle de l'acier, les alumineries. Ouais. On peut les trouver dans toutes ces industries-là, mais elles existent aussi pour des causes naturelles avec les feux de forêt qui représentent quand même la cause la plus importante, la source la plus considérable au niveau des HAP. Et pour ce qui est des métaux lourds? Les métaux lourds, là, ils sont aussi bien connus sous différents noms. Le plomb, le zinc, le cuivre, tout ça, ce sont des métaux qui, une fois dégradés dans le sol et à des concentrations trop importantes, représentent une certaine dangerosité, puisque par exemple, on connaît avec le plomb la maladie du saturnisme. Oui, c'est vrai. Ça peut représenter des contaminations. Il aurait fallu changer les conduites en plomb, je pense, à un moment donné. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc là, organométhox, c'est un procédé pour enlever les deux à la fois? Voilà, c'est un procédé qui vise à décontaminer de manière simultanée ces deux contaminants. C'est le seul procédé qui existe à l'heure actuelle sur le marché pour décontaminer ces deux contaminants en même temps et éviter ainsi l'enfouissement qui reste le choix le plus répandu actuellement. Ah, d'accord, oui, parce que sinon, donc, les sols, s'ils ne sont pas décontaminés, on les envoie à l'enfouissement. On les envoie à l'enfouissement. Ça prend de la place. Ça prend de la place, ça coûte relativement cher. Ouais. Et nous restons compétitifs en termes de prix par rapport à l'enfouissement. Bon, alors comment ça marche ce procédé organométhoque? Alors, le procédé fonctionne notamment sur la flottation. On appelle la flottation, c'est-à-dire une cuve, une sorte de cellule, on appelle ça une cellule de flottation, qui peut aller de 6 litres à 1000 litres, à plusieurs centaines de litres, en fonction de ce qu'on a décontaminé, des volumes que l'on a. Dans cette cellule, on va mettre de l'eau et notre sol, supposé contaminé, et on va agiter tout ça à l'aide d'un bras de brassage. On va brasser notre cellule pour mettre en solution notre sol contaminé. Ça fait de la boue, ça. Ça dépend le pourcentage de sol qu'on met. Tout ça, c'est déterminé. Ça va mettre en solution notre sol à l'aide donc d'un bras de brassage. Dans cette solution, on va ajouter un surfactant. Un surfactant, c'est un agent moussant qui va faire des bulles, tout simplement. C'est un savon, exactement. Et comme tout bon savon, il va fonctionner d'autant mieux si on injecte dans le fond de la cellule de l'air. À ce moment-là, va vraiment se former des bulles. Ça, le surfactant, il est surtout là pour les HAP. Pourquoi les HAP? Parce que la décontamination repose sur des propriétés de surface hydrophiles, hydrophobes. Donc, notamment, les HAP sont hydrophobes. Ça veut dire hydro, l'eau, phobe, qui n'aime pas, phobie, c'est une peur. Ouais. Donc, les HAP n'aiment pas l'eau. Ah. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à fuir l'eau en se collant aux particules, aux bulles de savon formées par le surfactant, aidées par l'injection de l'air. Et ils vont remonter par la poussée d'Archimède à la surface. Okay. Va se former alors une sorte de mousse et nous raclons cette mousse qui est chargée en HAP et c'est ce qu'on appelle donc le déchet ultime. Le sol est décontaminé des HAP, la mousse elle est full HAP. Ouais, donc là je vais me permettre de récapituler un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'explications. Donc ces HAP ils sont hydrophobes, ils n'aiment pas l'eau, ils vont aller finalement au seul endroit où il n'y a pas d'eau dans tout ce mélange. Là, c'est les bulles là où il y a de l'air. Et remonter à cause du savon, en fait. Ouais, dans le savon, il y a une partie qui aime les HAP. Bah oui, ouais, c'est ça. Qui était drôle. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc ça se retrouve en surface dans la mousse, on racle la mousse et après on sèche ça, on en fait un déchet. Ça, c'est le déchet ultime. Donc ouais, là, voilà, c'est, on a des galettes, ce qu'on appelle les galettes de HAP, et ça, nous n'avons pas d'autre solution que de, pour l'instant, de les enfouir. Et pour les métaux, parce qu'il reste toujours les métaux dans Les métaux, il faut savoir que les métaux, il y a une, on peut les solubiliser, on peut les mettre en solution parce qu'ils ont cette propriété de, à un certain pH, de pouvoir se solubiliser. C'est-à-dire que, prenons comme exemple le plomb, puisque c'est sur ce, ce métal que nous travaillons en général, en acidifiant notre solution, on abaisse le pH et on porte aussi, on porte ainsi le plomb en solution. On parle aussi de lixiviation. Ouais. Pour prendre un exemple assez simple, le matin, quand vous vous faites un café, vous faites passer un liquide dans un solide, c'est-à-dire votre eau dans un solide qui est votre café. Le café, ce que vous récupérez, c'est une solution que vous buvez, c'est votre café. C'est ce qu'on appelle le lixivia, tout à fait. Je ne savais pas que je buvais un lixivia quand je buvais du café. Vous buvez un lixivia. C'est plus poétique de dire que je bois du café. C'est exactement ce qui se passe avec les métaux. On fait passer une eau avec de l'acide dans un métal solide, et celui-ci, eh bien, se solubilise. On parle donc d'un lixivia. C'est un lixivia, tous les métaux, pour rien que le plomb, parce que la plupart des métaux sont bien solubles. C'est juste que c'est, on parle de propriétés de solubilisation différentes en fonction des métaux, mais c'est le même principe pour tous les métaux. On peut adapter cette technologie à tous les métaux. L'aluminium est aussi plus soluble en milieu acide. Voilà. Tout à fait. Et après, ben, on récupère notre eau de flottation. On la sépare par tamisage de notre sol, qui cette fois est totalement décontaminé. Ouais. Et ensuite, eh bien, on fait monter le pH. Et puis donc, on précipite. Ça s'appelle la précipitation. On précipite ainsi les métaux. Il redevient solide. Et on le récupère. Ça nous permet aussi, d'un point de vue économique, et c'est important, et aussi d'un point de vue écologique, de recirculer notre eau. Ah oui. Donc l'eau est en circuit fermé comme ça et nous la réutilisons, nous la recirculons. Donc là dans notre cellule on avait la terre, le surfactant, on a enlevé la mousse avec les HAP, les métaux ont été solubilisés avec un acide. Ça s'est retrouvé dans le lixivia et ensuite donc on a récupéré ce lixivia, on a resolidifié les métaux et donc, la terre est propre. On a bien nos déchets d'un côté, notre eau qui peut être recirculée et notre sol décontaminé. Ouais. Donc ça marche au laboratoire. Est-ce que ça marche à plus grande échelle? Alors, ça marche à plus grande échelle. Notamment, il faut savoir que c'est un procédé qui est assez jeune, puisqu'il a environ 2 ans. Mm-hmm. Dans un procédé, pour ce type de procédé, il y a 3 échelles. L'échelle laboratoire, l'échelle pilote, et ensuite, si tout ça a bien fonctionné, l'industrie, l'usine qui va être construite. Les essais laboratoires ont été finis, les résultats étaient très encourageants. Et en ce moment, à Valcartier, sur la base militaire de Valcartier, est présentée une vitrine technologique, c'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire un essai pilote à grande échelle, où là, cette fois, on vise à dépolluer 50 à 100 tonnes de sol. Sur la base militaire de Valcartier, cette station pilote, pour l'instant, est en opération avec donc des très gros débits de travail et les résultats sont pour l'instant excellents. On devrait avoir les résultats finaux d'ici mai et après on saura si on développe une industrie avec des très grosses sommes d'argent qui seront mises en jeu puis le procédé organométox à très grande échelle. Mais la méthode est bonne seulement pour des sols contaminés ou HAP et aux métaux lourds. C'est seulement HAP à ce moment-là, c'est peut-être ça doit fonctionner pareil. Ça fonctionne pareil, sauf que là, on n'a pas d'intérêt de rajouter de l'acide, par exemple. Exactement. Donc ça coûte moins cher et on peut utiliser la flottation sans acide. Oui, à ce moment-là, on ne traite que les HAP. Mais à ce moment-là, est-ce que ça n'est pas mieux de le faire in situ? Parce qu'à ce moment-là, avec votre méthode, il faut transporter les sols. C'est une méthode ex situ, effectivement. C'est ça. Donc, on est obligé d'excaver les sols et de les amener à une station de traitement. C'est ça. Il faut savoir que les stations de traitement, comme celle de Valcartier en ce moment, peuvent être mobiles. Ah bon, on peut. Alors, on est obligé d'excaver, mais les stations de traitement, quand ce sont des échelles raisonnables, avec par exemple 1 tonne par heure de sol traité, on peut bouger une station avec des systèmes de roulotte, etc. Ok, autrement dit, on n'a pas à transporter les sols pendant 60 km de long, par exemple. Non, sauf si jamais le projet d'usine voit le jour, à ce moment-là, ça sera une usine, bien sûr, fixe. Bah, je comprends. cet extrait. Alors, donc, ça va être quoi la prochaine étape, ça va être quoi? Alors, la prochaine étape, c'est intéressant de se pencher sur ce qu'il reste à faire un petit peu. Eh bien, je vous parlais du déchet ultime qui était les mousses de flottation. Mm-hmm. Il faut savoir que ce déchet ultime, dans les prochaines années, on essaierait de le valoriser et de le minimiser, c'est-à-dire de concentrer les HAP de façon beaucoup plus précise, réduire cette concentration par rapport au volume mm-hmm. de galettes de HAP qu'on a, parce que ça coûte très cher à traiter et qu'économiquement, ce serait intéressant de réduire ce ouais. déchet ultime encore et encore et encore. Et puis, on pourrait le valoriser, on peut y trouver des valeurs calorifères, par exemple. Ah oui. Donc, c'est à développer. En ce moment, c'est là où on en est. Donc, on va chauffer la maison de boîte. On va chauffer la maison de boîte de tout à l'heure. On va la chauffer avec ce déchet ultime, peut-être. Ben, voilà. Ou on peut ouais. peut-être les mettre dans l'asphalte aussi. Ouais. Exactement. Il y en a plein dans l'asphalte. Oui, ouais, bien sûr, les hydrocarbures. Ouais. Ouais. Ben, c'est fort et intéressant. En tout cas, ça nous donne des exemples de ce qui se passe à l'INRS, pas très loin d'ici. Merci beaucoup, Guillaume Nixon, donc étudiant à l'INRS, d'être venu nous parler de cette recherche-là. Puis on souhaite bonne chance donc dans vos études. Au projet Valcartier aussi, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc c'était Guillaume Nixon de l'INRS ETE. On passe maintenant en pause publicitaire, toujours sur CKRL au 89,1.